more beats in the trap. Y'a pas de secret, le travail paye. Nous présent les Noukadis, Noukafeille. Vraiment, je suis l'étincelle dans ton réservoir. Que mes proches, le reste, ça m'est égal de vous décevoir. Comme tout le monde, j'ai ma partie noire. Tu seras pas déçu du voyage, mais t'auras du mal à me percevoir. Je leur envoie des bombes avec mon bigot. On se connaît pas, m'appelle pas amigo. Trop de mythos qui jouent sur deux tableaux. Vous êtes que des falches recto verso. Mon flow se déverse sur l'instrumental. Je l'ai bien compris dans ce game, ça sert à rien de faire le sentimental. On s'attaque à ta personne, sans état d'âme. Mes armes sont déjà prêtes, je vous attends de pied ferme pour vous faire vos fêtes. Vous êtes pas prêts, non, vous êtes pas prêts. On vise la cible, chez nous pas d'à peu près. Vous êtes pas prêts, non, vous êtes pas prêts. Gifle dans les dents à tous les deux traits. Vous êtes pas prêts, non, vous êtes pas prêts. On vise la cible, chez nous pas d'à peu près. Vous êtes pas prêts, non, vous êtes pas prêts. Gifle dans les dents à tous les deux traits. Y'a pas de secret, le travail paye. Y'a pas de secret, le travail paye. Y'a pas de secret, le travail paye. On vise la cible, chez nous pas d'à peu près. Y'a pas de secret, le travail paye. Y'a pas de secret, le travail paye. Y'a pas de secret, le travail paye. Gifle dans les dents à tous les teutres.